Dans ce deuxième épisode, je vais vous parler de la dictée vocale sur nos smartphones et de toutes les applications qu'on peut en avoir. Podcast du blog moptimize.com, je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette fois-ci, je vais parler de fonctions pratiques à utiliser avec des commandes vocales. C'est un article qui est paru sur coreit.com. Le lien sera de toute façon dans les notes de l'émission sur le blog moptimize.com. Et donc, pour une fois, c'est un article qui est déjà en français, mais qui va parler des commandes vocales que l'on peut utiliser sur notre smartphone. Alors, si, comme moi, vous en étiez un petit peu resté à 15 ans, à 20 ans en arrière, où le seul logiciel de dictée vocale qui existait s'appelait Dragon Dictation, c'était un petit peu compliqué à utiliser, ça reconnaissait pas forcément très très bien les mots. Il y avait un gros temps de mise en place de setup du logiciel. Il fallait lire des grands textes pour que le logiciel apprenne à bien reconnaître notre voix, à bien reconnaître les mots. Et bien maintenant, on a fait un bond de 15 ans en avant. Les choses se sont très largement améliorées. Et maintenant, sur nos smartphones, on a des outils qui s'appellent OK Google, qui s'appellent Siri sur iOS, qui s'appellent Cortana sur Windows Phone, qui sont très efficaces. Donc l'article vous présentera au début comment accéder à l'assistant vocal, comment le mettre en place. Il faut parfois l'activer. C'est pas forcément activé par défaut. Et puis ensuite, on a toutes les applications de l'assistant vocal. Donc je vais en énumérer quelques-unes ici. Le plus simple et le plus évident, c'est tout ce que vous recherchez sur Google, vous pouvez simplement le dicter. Donc là, c'est ce qu'ils appellent les recherches classiques. Que signifie tel mot? Quelle est la définition de tel autre mot? Ensuite, une fonction un petit peu plus avancée, on commence à avoir des assistants qui sont capables de comprendre des questions plus de l'ordre de la conversation. Quelle taille fait la tour Eiffel? Qui est le président des États-Unis? Et si on enchaîne les questions, l'assistant est capable de comprendre et de savoir que vous continuez à parler du même sujet. Donc si vous demandez quelle est la capitale du Québec et ensuite vous demandez le nombre d'habitants, l'assistant saura que vous parlez du Québec et donc vous donnera le nombre d'habitants au Québec ou dans la capitale du Québec. Une chose qu'on s'attend pas forcément à faire mais qu'on peut faire, c'est de rechercher des images. Donc on peut simplement décrire l'image, décrire le lieu que l'on voudrait voir en photo ou l'objet, avec éventuellement une notion de temps. Donc on peut lui demander de montrer les photos de Paris au mois de juillet dernier. Une des grosses catégories maintenant de commandes vocales qu'on peut faire, qui sont pas, moi je trouve, pas forcément complètement au point, mais qui s'améliorent petit à petit au fur et à mesure des mises à jour, c'est de contrôler son appareil. Que ça soit sur iOS ou sur Android ou sur Windows Phone, maintenant on peut ouvrir des applications, donc on peut dicter, on peut dire lance-moi Facebook, lance-moi Twitter. Sur certains, on peut commencer à contrôler les fonctions de l'appareil, de demander de prendre une photo, par exemple. On peut contrôler la musique, ça c'est bien pratique. Pour ce qui est de la gestion du temps, une des choses que moi j'utilise de temps en temps, c'est de pouvoir dicter un rendez-vous dans l'agenda ou un rappel. Donc on peut simplement le dicter à l'assistant vocal, il va vous créer une note dans l'agenda ou dans les rappels. Ce que j'utilise beaucoup, c'est la fonction d'envoi des SMS. Donc on peut simplement dire envoyer un SMS à telle personne, dicter le SMS et finir en disant OK envoyer. Et donc là, le SMS part. C'est notamment pratique quand on est en voiture. après l'utilisation relativement classique, c'est la notion de pouvoir traduire une phrase. Donc c'est très pratique à l'étranger, même si souvent on n'a pas forcément de connexion, de forfait de données. Par contre, si on a un Wi-Fi à proximité, ça peut être utile d'avoir cette notion de traducteur. Sans avoir un logiciel dédié, on peut simplement utiliser l'assistant vocal qui est dans son téléphone. Voilà, ensuite il y a tout un grand listing de pouvoir demander la météo, de pouvoir faire des calculs, de pouvoir faire plein de choses, de demander des infos sur le transport, des séances de cinéma. Voilà, donc allez lire l'article, vous découvrirez beaucoup beaucoup de fonctions. Et puis après, bah, c'est à chacun de s'approprier l'outil et de voir quel usage on en a, de savoir est-ce que c'est juste un gadget qu'on va utiliser une fois de temps en temps ou est-ce qu'on va vraiment prendre l'habitude d'utiliser la dictée vocale et de parler à notre téléphone, même si ça peut paraître un petit peu bizarre. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir les notes de l'émission et à mettre un commentaire, à me dire qu'est-ce que vous utilisez vous comme fonction vocale sur votre téléphone, sur le billet du blog ou sur Twitter @moptimise.com.